Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 25. Notre prise par les Anglais. La Virginie est le continent de terre que les anciens appelaient Morosa, entre la Floride et la Nouvelle-France, sur les 36, 37 et 38e degrés d'élévation. Ce pays avait premièrement été découvert et saisi par Jean Bérazan, au nom de François Ier, ainsi que nous avons dit ci-devant, mais les Anglais l'ayant reconnu depuis, en 1593 et 1594, ils sont enfin venus habiter depuis 7 ou 8 ans. Leur demeure principale, qu'ils appellent Jamestown, est distante de Saint-Sauveur, où nous nous étions logés, d'environ 250 lieues par droite route. Regardez s'ils ont bien de quoi nous quereller. Or, ces Anglais de la Virginie ont coutume de venir, tous les ans, aux îles de Pencoit, qui sont à 25 lieues de Saint-Sauveur, afin de se pourvoir de moulus pour leur hiver. S'y acheminant donc, en l'été de l'année dont nous parlons, 1613, advint qu'en mer, ils furent surpris par brumes et brouillards que nous avons dit ci-devant s'épandre souvent l'été sur ces terres et mers. Pendant qu'elles durèrent quelques jours, la marée les jeta insensiblement beaucoup plus loin au nord-est qu'ils n'eussent pensé, car ils étaient bien 80 lieues plus avant dans la Nouvelle-France qu'ils ne croyaient, auprès de notre port, mais ne se connaissant point au lieu. Par malheur, quelques sauvages passèrent par là, qui les allèrent trouver, croyant que c'étaient des Français qui nous cherchaient. Les Anglais n'entendaient rien en sauvage, mais au geste, ils reconnurent assez qu'on leur faisait signe qu'il y avait un vaisseau, là auprès, et que ce vaisseau était français, car ils entendaient le mot de Normandia, dont ils nous appellent. Et, aux cérémonies que les sauvages faisaient pour leur complaire, ils reconnaissaient que c'était cérémonie de courtoisie et civilité française. Donc, les Anglais, qui étaient en nécessité et de vivre et de tout, déchirés, demi-nus et ne quêtant que proie, s'enquirent diligemment combien grand était notre vaisseau, combien nous avions de canots, combien de gens, et ayant eu réponse suffisante et qui leur plaisait, firent un cri joyeux, démontrant que c'était bien ce qu'ils cherchaient et qu'on les menât à nous, car ils ne désiraient autre. Aussi, ne faisaient-ils, mais ce n'était pas en la façon que les sauvages l'entendaient, car les sauvages estimaient que ce fussent aucun de nos bons amis, étant en grande peine de nous, et qui, d'amitié, désirassent surtout de nous voir. Par ainsi, un d'eux demeura dans leur navire pour les conduire à nous. Ce qu'il fit, le bon vent venu. L'Anglais, dès qu'il nous découvrit, commença à se préparer au combat, et ce fut alors que le bonhomme de sauvage reconnut qu'il avait été trompé. Donc, il se prit à pleurer sa faute et maudire ceux qui l'avaient ainsi déçu. Souvent depuis, il a pleuré et demandé pardon de son aventure, et à nous, et aux autres sauvages, parce que les autres sauvages voulaient venger notre malheur sur lui, pensant que de malice, il en eût été la cause. Or nous, considérant ce navire venir ainsi de loin à pleine voile, ne savions que penser, si c'était amis ou ennemis, français ou étrangers. À cette cause, le pilote s'en alla au-devant, dans une chaloupe, pour le reconnaître, tandis que les autres s'armaient. La Saucet demeura à terre et y retint la plupart des hommes. La Motte, lieutenant, Ronferré, enseigne, et Joubert, sergent, et tous les plus délibérés, allèrent au navire. Aussi était-ce là où l'on devait reconnaître les gens de bien. Le navire anglais venait plus vite qu'un dard, ayant le vent à souhait, tout pavis de rouge, les pavillons d'Angleterre flottant, et 3 trompettes et 2 tambours faisant rage de sonner. Notre pilote, qui était allé découvrir, ne revint pas à son navire, parce que, dit-il, les Anglais avaient le vent sur lui, et partant, pour ne pas tomber en leurs mains, il alla prendre le circuit d'une île. Tant il y a qu'en cette occasion, le navire se trouva destitué de la moitié de ses matelots et n'avait autres gens de défense que 10 en tout, et encore n'y en avait-il aucun qui fût entendu au combat de mer, hors le capitaine Fleury qui, de vrai, ne manqua ni de conduite ni de courage. Mais il n'avait ni assez de temps pour se préparer, ni des gens. À cause de quoi, il ne put lever l'ancre pour se désengager, ce qui est toutefois la première chose que l'on doit faire au combat de mer. En vain aussi eût-on levé l'ancre, les voiles étant engagées. Car, à cause que c'était l'été et qu'on séjournait au port sans crainte, on les avait tendues en forme de berceau, de la dunette à la bitte, pour avoir de l'ombre sur le tillac, d'où l'on ne pouvait les défaire en si peu de temps. Mais ce malheur eut fort bonne chance, car nos gens demeurèrent fort bien couverts pendant le combat, de manière que les Anglais, ne pouvant choisir aucun durant leurs escopeteries, moins de gens furent ou tués ou blessés. À l'approche, comme c'est la coutume de sommer à dire qui l'on est, nos gens crièrent à la marinesque « Oh! Oh! » Mais l'Anglais ne répondit pas en ce ton, mais d'un autre plus furieux, à grands coups de mousquets et de canons. Il avait 14 pièces d'artillerie et 60 mousquetaires, duits au navigage, venant à la charge sur les côtés, sur le Beaupré, à la dunette et, où il fallait, à la file et en ordre, aussi bien que gens de pied font sur terre. La première escopeterie fut terrible du côté des Anglais. Tout le navire était en feu et en fumée. De notre part, on répondait froidement et l'artillerie était muette. Le capitaine Fleury criait bien « Lâche le canon, lâchez !» Mais le canonnier n'y était pas. Or, Gilbert Dutet, qui de sa vie n'avait été peureux, ni coupard, entendant ce cri et ne voyant personne qui obéit, prit la mèche et nous fit parler aussi haut que l'ennemi. Le malheur est qu'il ne mira pas, et s'il l'eût fait, peut-être y eût-il eu quelque chose de pis que le bruit. L'Anglais, après cette première escopeterie, mit son navire de côté et tenait une ancre préparée pour accrocher notre bitte. Le capitaine Fleury fila du châble fort à propos, ce qui arrêta l'ennemi et le fit tourner de côté, car il eut peur qu'en poursuivant, on ne le voulût attirer sur des basses. Depuis, voyant notre navire à recoin, et s'étant rassuré, il recommença les approches avec escopeterie comme devant. Ce fut en cette seconde charge que le père Dutet reçut un coup de mousquet au travers du corps et tomba à l'envers sur le tillac. Le capitaine Fleury fut aussi blessé au pied et trois autres autre part, ce qui fit faire signe et crier qu'on se rendait. Aussi, certes, la partie n'était pas égale. À ce cri, l'Anglais se jeta dans notre bateau pour venir à notre navire. Nos gens aussi, par mauvais conseil, se jetèrent dans le leur pour faire à terre, car ils craignaient l'arrivée du victorieux. Le vainqueur fut plus tôt dans notre navire qu'eux n'en furent loin, et partant, il se prit à leur crier qu'ils retournassent, et pour les contraindre, tirait sur eux. De quoi, effrayés, deux de nos gens se jetèrent à l'eau pour, à mon avis, gagner terre à la nage. Mais ils furent noyés, soit que déjà ils fussent blessés, soit, ce qui est plus vraisemblable, qu'ils fussent atteints et tués dans l'eau. C'étaient deux jeunes compagnons de bonne expectation, l'un de Dieppe, appelé le Moine, l'autre d'Ineveu, de la ville de Beauvais. Leurs corps ne reparurent que 9 jours après. On eut moyen de les prendre et religieusement enterrer. Telle fut la prise de notre navire. Chapitre 26. Le pillage de notre navire et de nos gens, les angoisses où nous étions. L'Anglais victorieux s'en vint à terre, où nous avions nos tentes et logements commencés, et fit rechercher notre capitaine de tous côtés, disant qu'il voulait voir nos commissions. Que cette terre leur appartenait, que pour cela ils s'étaient rués sur nous, nous y trouvant. Néanmoins, que si nous faisions apparaître notre bonne foi, et que nous fussions là venus sous l'autorité de notre prince, qu'ils y auraient égard, ne voulant en rien contrevenir à la bonne confédération de nos deux rois. Le malheur fut qu'on ne trouva pas la saucée, à cause de quoi l'Anglais, fin et subtil, se saisit de ses coffres, les crocheta industrieusement, et ayant trouvé nos commissions et lettres royaux, les saisit. Puis, remettant toutes leurs besognes en leur place, chaque chose comme il l'avait trouvée, referma les 10 coffres gentiment. Le lendemain, la Saucet étant venue, le capitaine anglais, qui savait fort bien sa leçon, l'accueillit humainement et lui fit les premières interrogations avec belle cérémonie, puis vint au point, lui demandant ses commissions, à cette fin qu'il n'y eut aucun doute quand réellement on considérait les paroles et autorités du roi notre sire. La Saucet répondit que ses lettres étaient dans ses coffres. On lui apporta ses coffres, et avant qu'il les ouvrit avec ses clés, on l'avisa qu'il regarda bien si personne n'y aurait touché, car, quant à eux, ils y allaient fort simplement. La Saucet reconnaissait tout être en fort bon ordre, mais il n'y retrouvait pas ses lettres. Ici, le capitaine anglais changea de mine et de ton, et, se renfrognant comme il fallait, « Quoi donc ? » dit-il. « Vous vous imposez ici ? Vous donnez à entendre qu'avec commission de votre roi, il n'en pouvait produire aucun témoignage ? Vous êtes tous des forbans et pirates. Vous méritez la mort. » Et dès lors, il fit la porte du butin aux soldats, en quoi il consuma toute l'après-dînée. Nous, de la terre, considérions le gaspillement de tous nos biens. Car les Anglais nous laissaient à terre, eux se tenant en mer et ayant joint nos vaisseaux aux leurs, car nous en avions deux, savoir notre navire, et une barque construite sur lieu et équipée de neuf. Nous étions réduits en piteux état, mais ce n'était pas la fin. Le jour suivant, on vint à terre et on nous pilla encore ce que nous y avions, non pas tout du commencement, mais à passade, et à chaque fois qu'on descendait à terre, toujours quelques détrousses de nos manteaux, habits et autres choses. Une fois, on fit quelques violences et atrocités sur la personne de deux de nos gens, ce qui épouvanta tellement une partie de nos gens qu'ils s'enfuirent par les bois, comme pauvres bêtes égarées, demi-nues et sans aucun vivre, ne sachant ce qu'ils pourraient devenir. Venons aux Jésuites. Je vous ai dit que le père Dutet fut outré d'une mousquetade durant le combat. Les Anglais, entrant dans notre navire, le mirent entre les mains de leur chirurgien, ainsi que tous les autres blessés. Ce chirurgien était catholique et reconnu pour tel, et personne fort charitable, qui nous a fait 1000 bons offices. Or, le père Billard, ayant su la blessure du père Gilbert Dutet, fit demander au capitaine que les blessés fussent portés à terre, ce qui fut accordé et, par ainsi, le dit Gilbert eut le moyen de se confesser et de louer et bénir Dieu juste et miséricordieux en la compagnie de ses frères, mourant entre leurs mains. Ce qu'il fit avec grande constance, résignation et dévotion, 24 heures après sa blessure. Il eut son souhait, car, au départ de Honfleur, en présence de tout l'équipage, il avait haussé les mains et les yeux vers le ciel, priant Dieu qu'il ne revînt plus en France, mais qu'il mourût travaillant à la conquête des âmes et au salut des sauvages. Il fut enterré le même jour au pied d'une grande croix que nous avions dressée du commencement. Les Jésuites n'étaient jusqu'alors reconnus des Anglais que pour prêtres. Or, le père Billard et le père Edmond Masse s'en allèrent au navire, parlèrent au capitaine anglais, et lui expliquèrent ouvertement comme ils étaient jésuites, venus en ces quartiers-là pour la conversion des sauvages. Puis le supplièrent, par le sang de celui qu'il reconnaissait pour sauveur et par les miséricordes qu'il en attendait, qu'il lui plût avoir pitié de ces pauvres Français sur lesquels Dieu lui avait donné puissance, et qu'en leur misère, il reconnut combien les affaires de ce monde varient, qu'il lui plût leur donner et moyenner leur retour en France. Le capitaine les ouït fort paisiblement et leur répondit avec pareil honneur. « Mais, dit-il dissimulant, je m'étonne fort que vous autres, jésuites, qu'on tient communément pour hommes de conscience et religion, vous vous trouviez ici, en compagnie de forbans et picoteurs, gens sans aveu et sans loi ni honneur. » Le père Billard répondit et prouva avec tant d'arguments que toute leur troupe était de gens de bien et recommandés par sa majesté très chrétienne, et réfuta si péremptoirement toute objection contraire que le capitaine anglais fut contraint de faire semblant qu'il s'y accordait vaincu par ses raisons. « Certes, ajouta-t-il, il y a bien eu de la faute, à ce que je vois, d'ainsi perdre vos lettres. Néanmoins, je traiterai de votre retour avec notre capitaine. » Et dès lors, jusqu'au départ, il fit toujours manger à sa table les deux pères, leur montrant beaucoup de respect et honnêteté. Or, il avait une épine au pied qui le tourmentait. C'était le pilote et les matelots qui étaient évadés et desquels il ne pouvait savoir nouvelles. Ce pilote, appelé le bailleur de la ville de Rouen, s'en étant allé pour reconnaître, ainsi qu'il vous a été dit, ne put point retourner à temps au navire pour le défendre, et partant, il retira sa chaloupe à l'écart, et la nuit venue, prit encore avec lui les autres matelots, et se mit en sûreté hors la vue et le pouvoir des Anglais. La nuit, il nous venait trouver pour aviser avec nous ce qu'il y aurait à faire. Il fit en particulier ce bon office aux Jésuites, car il vint trouver le père Billard, et le prenant par la main, le conjura de ne se point méfier de lui, parce qu'il était de la prétendue, l'assurant qu'il ne manquerait ni à lui, ni à aucun des pères, et qu'il suppliait Dieu que tout ainsi il ne s'abandonnât point. Comme il le disait de cœur sincère, le père Billard le remercia de bonne affection, et lui promit de se souvenir de sa bonne volonté. Il lui dit néanmoins qu'il ne voulait encore penser à lui jusqu'à ce qu'il vît tous les autres en beau chemin, que alors il demanderait ce qu'à Dieu plairait, admonestant le dit pilote de se garder de tomber aux mains des Anglais, parce que le capitaine désirait fort de le pouvoir attraper. Le dit pilote fit sagement son profit de cet avertissement et de celui des autres, car, de là à 2 ou 3 jours, il passa à la barbe des Français comme se sauvant et s'en allant chercher navire, et leur disant que ce n'était pas pour cette fois-là qu'il le fallait attendre. Mais il se retira seulement derrière quelques îles pour y être aux écoutes et considérer quelle fortune nous arriverait. Cela fit, à mon avis, que le capitaine anglais se résolut plutôt à ne nous pas faire pis. Toutefois, il en avait quelque volonté, ce que je ne sais de vrai par les conjectures de ce que nous avons expérimenté depuis. Il était bien capitaine fort sage et rusé, mais néanmoins gentilhomme, ayant le courage noble. Ces gens aussi n'étaient ni inhumains ni cruels contre personne de nous. On ne saurait en croire les angoisses auxquelles nous étions de ce temps, car nous ne savions où donner de la tête. Du côté des Anglais, nous n'attendions que la mort ou, du moins, la servitude. Ou de nous arrêter sur ce pays et vivre parmi les sauvages pendant un an entier et tant de gens nous semblait être une mort bien misérable et longue. Ces bons sauvages ayant troué notre désastre s'en vinrent à nous et nous offraient leur possible, promettant de nous alimenter durant l'hiver et montrant une grande compassion. Mais nous ne pouvions pas espérer mieux qu'ils. Aussi, de trouver autres expédients en un tel désert, nous n'en voyons point. Voici enfin comment Dieu nous pourvut. Chapitre 27. Les expédients trouvés pour revenir en France, et comme 30 de nos gens y arrivèrent après plusieurs travaux. Le capitaine anglais, appelé Samuel Argall, et son lieutenant, dit Guillaume Turnel, commencèrent à traiter de notre retour, selon leur promesse, avec notre capitaine Lassaussée. Les Anglais offraient des conditions bien iniques. Mais, pour le faire court, la conclusion fut qu'une chaloupe nous restant de 2 que nous avions, ils nous la laisseraient, et qu'avec, nous allassions où Dieu nous conduirait. Le capitaine anglais, côteleux qu'il est, voulut avoir un écrit signé de la main de Lassaussée, par lequel il témoigna que c'était de son choix que ce parti avait été pris. Cette conclusion, oui, le père Billard s'en alla trouver le capitaine et lui représenta qu'il restait 30 personnes et qu'il était impossible que tant de gens puissent être entassés dans un si petit vaisseau, tant s'en faut qu'ils puissent dedans faire 150 lieues et traverser les baies de 10 et 12 lieues comme il leur fallait faire avant de trouver un navire français auquel ils se pussent réfugier. Que cela était manifestement nous jeter à la mort et au désespoir. L'Anglais répondit que Lassaussée ne le croyait pas ainsi, mais que si on voulait décharger la dite chaloupe, qu'il en ouvrirait bien le moyen, qu'il conduirait en Virginie les artisans qui voudraient, sous promesse qu'on ne les forcerait point en leur religion, et qu'après un an de service, on les ferait passer en France. 3 acceptèrent cette offre. Pareillement, le sieur de la Motte, dès le commencement, avait consenti de s'en aller à la Virginie avec le capitaine anglais, qui l'honorait beaucoup parce qu'il l'avait trouvé l'épée au poing et voyait en lui plusieurs autres bonnes qualités, ce qui profitait de beaucoup à notre troupe. On lui permettait aussi de mener avec lui plusieurs personnes qui, de même, seraient assurées sous sa faveur. Le capitaine Fleury se résolut pareillement de tenter la même fortune parce qu'on lui donnait espérance qu'il pourrait recouvrer son navire. Le père Biard pria que quatre qu'ils étaient, savoir deux jésuites et deux autres, fussent portés aux îles de Pencoët, et que là, on les recommandât aux pêcheurs anglais, qui y sont d'ordinaire, afin que, par ce moyen, ils puissent repasser en France. Ce que le capitaine anglais lui octroya fort volontiers. En cette façon, la chaloupe se trouva complètement déchargée et toute notre troupe fut divisée en trois égales bandes. Car 15 étaient avec le pilote, 15 restaient avec les Anglais et 15 entraient dans la chaloupe accordée. De ces 15, le père Edmond Masse en était l'un. Car le choix ayant été bâillé à la troupe de ceux qui devaient entrer dans la chaloupe, à ce qu'ils pussent élire de tous les trois jésuites celui qu'ils aimeraient mieux pour leur faire compagnie, ce fut lui qu'ils agréèrent le plus. Cette chaloupe, donc, fut délivrée entre les mains de la Saussaie et du dit Edmond Masse, jésuite, que le capitaine anglais honora beaucoup. Il la livra quelque peu ammonitionnée de vivres et autres provisions. Mais nos pauvres gens furent bien en peine quand il l'a fallu conduire, car il n'était pour tout que deux ou trois mariniers, et ceux n'avaient ni carte ni connaissance des lieux. En cette détresse, Dieu les secourut fort à point, car le pilote, qui avait mis ses gens en sûreté, désireux de savoir en quel état était le reste de la troupe, se déguisa en sauvage et s'en vint épier sur les lieux. L'ange de Dieu le conduisit par le bon endroit, car il rencontra tout à propos cette chaloupe qui s'en allait et ne savait comment. Cette bonne fortune parut de si bon augure aux rencontrés qu'ils s'assurèrent dès lors que Dieu leur voulait faire miséricorde. Même que, pour surcroît de grâce, ils firent une fort belle pêche de gros homards ou cancres de mer, et les sauvages leur donnèrent libéralement force aux oiseaux et poissons et de tout ce qu'ils avaient, avec grande signification de compassion. En cette façon, ils se vinrent joindre à la chaloupe des matelots et, de compagnie, gagnèrent l'île de Ménano. Cette île est à l'embouchure de la baie française et d'Isselle jusqu'à l'île Longue, où il fallait qu'ils traversassent 10 lieues de pleine mer, fort fâcheuse, à cause des grandes marées qui y courent et bouillent. Et de malheur, le mauvais temps les retint ici 8 ou 9 jours. Leurs maux et appréhensions les firent recourir à Dieu par vœux et prières, qui furent exaucés, comme il parut par le beau temps qui vint selon leurs souhaits. À la faveur duquel ils parvinrent à l'île Longue, où, pour tenir leur promesse, ils plantèrent une croix, célébrèrent la Sainte Messe et firent une procession. Là aussi, Dieu leur avait préparé un magasin, car ils y trouvèrent un bon monceau de sel que le sieur de Biencourt y avait autrefois délaissé, et pour l'employer, ils firent une fort bonne et heureuse pêche. Ainsi provisionnés, ils passèrent au cap Forchu, auquel lieu ils trouvèrent le sagamore Louis Mumbertou, qui fit grand accueil au père Edmond Masse et le voulait retenir à toute force. Mais le dit père s'excusa sur la nécessité de ne point délaisser sa compagnie. Le sauvage leur fit à trait tous tabagie de Norignal, ce qui leur fit grand bien, et en doublèrent plus joyeusement depuis le cap de sable. Étant j'approche du port aux moutons, ils eurent au-devant d'eux 4 chaloupes de sauvages qui revenaient de la troque. C'étaient Roland et autres sagamots qui, aussitôt, reconnurent le dit père Edmond et lui firent leur libéralité bien grande, certes, 2 galettes de pain à chacun des compagnons et 1 entière à lui. C'était le monde renversé, les sauvages fournissaient du pain aux Français gratuitement. Ce pain semblait de la manne à nos tribulés, car, de 3 semaines, ils n'en avaient mangé. Et, pour le comble de souhait, les sauvages leur dirent que, non guère loin de là, il y avait 2 navires français, l'un à Sésambre et l'autre à Passapec, ce qui fit diligenter nos pèlerins à ce qu'ils ne le perdissent. Ces 2 navires étaient malouins, l'un appartenant au jeune Dupont, duquel nous avons souvent parlé ci-devant, d'environ 50 tonneaux seulement. Le capitaine Vible Bulot commandait à l'autre, qui était de 100 tonneaux, et de bon augure, s'appelait le Sauveur. Chacun de ces 2 prit sa moitié de toute la troupe, mais ceux du petit vaisseau pâtirent beaucoup, car tout leur défaillait, place, vivre, eau. Ils furent horriblement agités de tempêtes et contrariétés de vent. Notre méchef, néanmoins, arriva prospèrement pour ce vaisseau parce qu'il avait perdu beaucoup de ses gens et à peine s'en fût-il pu revenir sans se rencontrer les nouveaux renforts de nos débandés. Au grand vaisseau, appelé le Sauveur, on fut mieux. Même que les matelots furent si charitables que, de leur propre gré, ils retranchèrent leur ordinaire et quittèrent plusieurs bonnes places pour accommoder leurs hôtes. Le père Ennemond-Masse fut retiré en celui-ci et le pilote, Alain Guéon, lui fit beaucoup de charité. Ils furent accueillis pareillement de tempête et expérimentèrent à être vrai ce qu'on dit du feu de Saint-Elme, ou frère Ronsolant, que quand ils apparaissent deux à la fois, c'est bon signe. Car deux apparurent un quart d'heure sur leur antenne, et bientôt après, les bourrasques et furies de mer s'accroisèrent. Tous les deux navires arrivèrent en sauveté à Saint-Malo, quasi en même temps, quoique le Sauveur fût parti 2 jours plus tard. La joie qu'ils reçurent, vous la pouvez estimer, repassant par la mémoire les dangers dont ils se voyaient échappés. Le père Ennemond-Masse et toute la troupe se louent beaucoup de l'humanité et bon accueil qu'ils reçurent en la dite ville de Saint-Malo, de Monseigneur l'évêque, de Monsieur le gouverneur, de messieurs les magistrats, marchands et généralement de tous.